On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, évidemment, écoute, qui est devenu une vedette depuis la semaine dernière et maintenant sa chronique dans le journal. Donc bravo Benoît encore une fois. Ben, une vedette, ouais. J'ai une continuité dans mon aventure Espace Soccer. Tu sais comment est-ce que je suis passionné de soccer. Espace Soccer, rappelle-toi, tu es déjà venu, j'avais un lieu à Alma. Depuis 2004, on présentait les coupes, les Euros, les Coupes du Monde 2004 jusqu'en 2018. Donc, ça fait 7 ou 8 coupes consécutives. Cette année, ben, la COVID, ça n'aidait pas. J'ai fouillé pour des locales. Peut-être qu'à la retraite, le plan, c'est d'avoir vraiment mon petit coin espace soccer. C'est ça que je vise, en tout cas. Et puis là, ben, c'est ça. Ok. Benoît, bravo. En tout cas, c'est pas mal le fun. C'est toi qui écris tes chroniques ou Oui, j'ai c'est. été Ok. contacté. Ben, en fait, probablement que Dave du quotidien me regarde aller un peu avec les chroniques avec toi, avec Michel Tifo. Toi, ben, on se rappelle, c'est toi le premier qui m'a mis dans le Radio Sport, Danny Veilleux, qui m'a donné une chance la première fois qu'on a commencé à jaser ensemble, là, 6-7 ans. Alors là, c'est dans ce sens-là. Et puis, Même plus que 6-7 ans. Ça fait au moins 10 ans. ça fait au moins 10 ans, donc ça fait un certain temps, c'est ça. C'est ça. T'sais, le 10 ans? temps passe tellement ouais, parce que ça fait 12 ans dans la radio sport. Puis OK. t'étais le premier chroniqueur de soccer. T'es là depuis le début. Donc, je te dirais même 10 ans facile. Facile. Hey, Benoît, je veux t'emmener avant de parler de l'Euro et de la Copa América. Je veux t'emmener sur ce que Jérémy Filosa a déclaré sur Twitter. J'y ai parlé. Le message a été retiré en passant. Je sais pas s'il y a eu comme il y a eu Tu veux dire son message ou bien le message à le toi? message à Filosa a été retiré. Je sais pas s'il y a eu comme une plainte ou quelque chose de même, mais j'y ai parlé Ben, sur c'est sûr. Messenger après. J'y ai parlé sur Messenger puis j'ai demandé si j'avais rêvé qu'il avait écrit ça. Puis il a dit oui, je l'ai bien écrit. Il y a quelqu'un qui a lancé sur Twitter, Jérémy Filosa, il a dit, moi je te donne, là il se plaignait le fait que l'Impact ne jouait, que le CF Montréal ne jouait pas à Montréal et que le Canadien allait le faire. Et quelqu'un est arrivé par la suite et il a dit, je pense qu'il reste 5 ans à Montréal à la MLS. Et Philo, il a dit 5 ans, t'es généreux, il dit, d'après moi, il m'en reste 2. C'est pas des informations qu'il y a eues, c'est une opinion qui est émise. Et l'opinion a été retirée, je sais pas s'il y a eu une plainte ou quelque chose de même. Par contre, j'ai parlé sur Messenger, puis il a dit que oui, bel et bien, il a bel et bien marqué ça. D'ailleurs, on va faire un podcast à mener avec lui là-dessus, parce que c'est toujours d'actualité. Sauf que moi, j'ai été surpris, oui et non. Surpris dans le sens que ça marche de même, et pas surpris par tout, parce que c'est mené tellement tout croche depuis le début, l'Impact. Fait un match de l'Impact ce soir là à Saputo, je suis même pas sûr qu'il y a 12-13 000 personnes. Puis Ah, ailleurs, à ben, Atlanta, il y a 70, 75, 80 000 personnes. Tu sais, le COVID a fait bien des affaires aussi, là. Il y a bien du monde qui vont avoir peur de sortir. Donc, tu es d'accord avec moi? bon, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment la rumeur sortie? C'est pas une rumeur, Est-ce que c'est une opinion philosophe. ben, c'est une opinion? Ben, ça se peut, c'est très possible. On sait que les coûts que M. Saputo, ça a coûté pour avoir une franchise dans la MLS, et on sait aujourd'hui comment c'est rendu. Bon, c'est une question de cash, mais est-ce qu'il y aura des gens à Montréal qui vont laisser faire ça? Ils vont partir? J'espère que non. On va espérer que non, parce que moi aussi, j'étais déçu quand on a changé le nom puis tout ça. Qu'est-ce que ça voulait dire en arrière de tout ça? Mais je penserais pas. J'espère que non. Mais comme tu dis, pourquoi ça a été enlevé? Il y a peut-être eu des Surtout que pressions par là-dessus. après, le monde se sont révoltés. Hey, quand tu dis qu'on pourrait faire un livre sur l'Impact, on en a parlé, là. Quand tu dis qu'il y a des fidèles partisans qui ont abandonné leur billet de saison, entre autres celui qui organisait les voyages, celui qui était Oui. à l'extérieur, celui qui est la cloche aussi, là, à En tout Saputo. cas, tu sais, à voir la suite, Danny, on pourrait en parler longtemps, puis mais qu'est-ce que tu veux, là, c'est les marchés américains Ben et puis oui, tout ça. t'as des villes Qu'est-ce comme. que comment est Montréal dans tout ça? J'espère qu'on ne perdra pas notre équipe professionnelle de soccer à Montréal, ce serait vraiment dommage. Même si le nom a été changé, il demeure que le club est encore là présentement. Donc, à voir la suite. On a vu que Binks, défenseur central, retourne en Italie, à Bologne. Le prêt est comme terminé, résilié. Alors là, à voir la suite. Mais en tout cas, comme je te dis tantôt en entrée de jeu, oui, à voir la suite du CF Montréal. Mais là, moi, je suis en mode Euro, mode Copa América. C'est parti depuis hier. Donc, Ah ouais. en ce temps-ci, là, je me concentre dans. Puis il y a les qualifications Canada aujourd'hui, Ouais, ils vont Dani. bien Le pour Canada ça. joue. Le Canada joue contre Haïti à 17h. Ça va être un match quand même intéressant à surveiller. C'est le match aller. Et on sait que le Canada doit gagner le match aller-retour. Ça ne sera pas gagné. Ça ne sera pas chose facile. Haïti ont quand même une sélection intéressante. Mais le Canada, avec Jonathan David et Alphonso Davies, moi, je crois qu'ils sont supposés aller chercher Haïti. Et après ça, là, on va tomber dans la troisième phase de la zone CONCACAF, le tour final. On va aller rejoindre le Honduras, le Mexique, les États-Unis, les grosses nations de la CONCACAF. Et le Canada se doit d'être dans ce carré de six ou sept nations-là, là, en tout cas. Là. Mais j'espère qu'on n'échappera pas. C'est une équipe qui va quand même très, très bien, qui est bien dirigée. On sent qu'ils sont sur la pente montante. Là. Oui. Que le pire est passé. Il faut quand même rappeler que le Québec ne place pas nécessairement beaucoup de joueurs non plus dans la sélection. On rappelle deux joueurs. Samuel Piet qui a joué dans le dernier match sur le 11 partant et le gardien substitut du CF Montréal, le jeune James Pantémis, qui est là aussi comme substitut. Donc, on n'a pas une grosse cuvée de joueurs québécois là, Badou, avec la sélection, ça a planté avec la sélection nationale. Badou, ça a planté raide, hein, quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu penses ça? Là? Ben là, Balou, je sais pas ce qu'il est rendu. Là. Balou, il a fait une balloune. Je m'en rappelle quand il avait 18 ans, on disait que lui et Davis, dans le fond de Davis, c'était la relève du Canada. On les mettait quasiment égales. Ouais, mais lui, je pense que c'est plus une question d'attitude, de comportement, qu'accepter et se mettre en mode chimie avec le club, avec les façons de voir des diverses organisations. Donc, l'Italie qui n'a pas eu trop de misère hier contre la Turquie, l'Italie qui n'a pas participé à la Coupe du Monde en 2018, puis je pense que ça a choqué le pommier de l'équipe italienne, hein, parce qu'ils ont bien été en parlant de ça dans des matchs, je pense, 6 matchs consécutifs sans défaite. Non, c'est pas 6 matchs. On n'a pas perdu aucun match dans les phases de qualification. Okay. Okay. Et avec tous les matchs de Ligue des Nations, les matchs amicaux, on est rendu à 28 matchs sans défaite, Danny. Okay. 28 matchs sans défaite. C'est bon, là. C'est excellent. C'est une équipe qui pourrait vraiment être dans le coup. Hein. On parle beaucoup de l'Angleterre. Je vais te dire que j'ai bien aimé leur jeu d'équipe hier. Très belle équipe, l'italienne. Ils peuvent être surprenants. Comme j'ai mis dans mon article, l'Italie n'ont pas nécessairement de gros attaquants, des gros stars de la planète foot, mais quand même, il y a le jeu d'ensemble, le jeu d'équipe. J'ai vu des joueurs, là, l'arrière latéral, Spinazzola, là, qui a fait un super match. Donc, les Italiens m'ont surpris. Et le fait de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde 2018, je pense que là, on était en bas de la construction. Et là, c'est bien parti. Là. Effectivement. Donc, ça va bien. Aujourd'hui, il y a 3 matchs, Belgique-Russie, je pense. Hein. Ça va être bon, ça. Non, c'est pas. Oui, c'est-tu Belgique-Russie? En fin de journée, oui, Belgique-Russie, ça devrait être un excellent match. C'est pas mauvais, ça. Non, ça va être très bon. La Belgique, on sait, moi, j'ai vu en demi-finale à l'Euro. J'ai pas vu dans le stade. J'ai vu contre le Brésil en quart de finale. Il avait battu le Brésil de Neymar et avait perdu contre la France par la suite en demi-finale en Russie. À surveiller. Il y a le joueur au milieu de terrain, Kevin De Bruyne, qui jouait pour. Il a joué la Ligue des Champions, la finale pour Manchester City, une défaite contre Chelsea en finale. Il a été blessé, il a été opéré. Alors, à voir la suite là, pour notre ami De Bruyne et la Belgique, mais une très, très belle sélection, ils sont dans les favoris. Donc, à voir la suite. Et les gros rendez-vous, ben, demain matin, Danny, t'as un beau Angleterre-Croatie. Oh, un match que bon. J'ai vu. Que j'ai vu en demi-finale en Russie. Tu regarderas dans mon article, c'est justement une photo que j'ai envoyée, que moi-même j'ai pris dans le stade. Donc, c'est la photo que le journal a mis dans son journal aujourd'hui. Super photo, là. La place que la photo où j'étais, c'était vraiment l'endroit où j'étais assis. Donc, vraiment, tu peux voir, moi, c'est là que j'étais assis pendant le match. La finale, on est assis pas loin de ça non plus. Donc, un match intéressant, j'ai hâte de voir. Mais la Croatie n'est pas si forte qu'en 2018, à mon avis. Luka Modric, qui a 35 ans, qui est en mode vieillissant. On a pris des jeunes un peu des relèves, mais on a encore une couple de gars de plus vieux un peu. Et de l'autre côté, selon moi, l'Angleterre, une des grandes nations favorites. Moi, je les ai mis en finale contre la France. Tu sais que j'ai un coup de cœur pour les Français. Donc, j'ai mis les Français gagnants pour 7 euros. Mais Benzema, es-tu blessé de façon... C'est-tu sérieux, Benzema, ou ça va-tu l'empêcher d'être toujours le 11 partant? Je sais qu'il était blessé. Benzema, ça semble pas sérieux. Il était blessé. Hier, à l'entraînement, il n'était pas sur le... comment je te dirais, hier en entraînement, il n'était pas sur dans les pratiques, il était à côté avec l'équipe de France. Donc, probablement qu'on attend de voir vraiment qu'est-ce qu'il a. Moi, je pense qu'il devrait être là, peut-être pas pour le premier match. J'ai hâte de voir vraiment la nature de sa blessure. On n'en a pas parlé vraiment à l'entour de l'équipe donc, de France. Donc, s'il n'a pas été blessé, si les blessures, ça semble peut-être pas sérieux. Non, puis Danny, un autre match qu'il faut pas oublier. Parce que moi, cette semaine, j'ai mis dans ma chronique. Ben, le groupe de la mort, c'est mardi, là, les matchs du groupe de la mort. Les matchs à surveiller, Danny, là, bon, je t'ai parlé d'Angleterre-Croatie. Lundi, on a un Espagne-Suède qui devrait être très bon. On sait que la Suède, Zlatan, finalement, 39 ans, blessure au genou, ne sera pas là. C'est dommage, ça aurait été intéressant de le voir à l'Euro parce qu'avec le club AC Milan, il a fait une belle sortie, mais il a été blessé aussi. Ça a comme brisé sa saison. Puis je ne suis pas certain qu'on va le revoir dans un club. J'ai l'impression que ça peut être une fin de carrière aussi. Quand tu as rendu à 39 ans, les blessures, il y a tellement de matchs. Mais cette semaine, Danny, lundi à 17h, on a un super match dans la Copa América. Oui. Parce que la Copa América commence demain. RDS en passe. Oui. Alors, Argentine-Chili, ça va être très intéressant. Oh, okay. Et mardi, je reviens à l'Euro. Dans le groupe F, comme tu as dit tantôt, le groupe de la mort à 15h, la France contre l'Allemagne, ça va être tout qu'un duel, ça va être très intéressant à voir. Et un autre match intéressant, Argentine-Uruguay, vendredi prochain. Donc nous, on va s'en reparler, mais je te donne un peu les topos des matchs à surveiller. Là. C'est sûr qu'il y a d'autres bons matchs à surveiller ici. Moi, je vais te brancher sur ma TV pas mal pendant le premier. L'impression que tu n'auras même plus le temps de travailler. Là, avec Est-ce que c'est une bonne affaire d'avoir l'Euro et la Coupe américaine en même temps? C'est sûr que c'est pas les mêmes heures. Je ne sais pas, Danny, mais écoute, c'est le mois de COVID, c'est l'après-COVID. Puis la Copa América, ça a été difficile. Ça devait se faire en Colombie et en Argentine. Ouais. La Colombie, pour des problèmes sociaux. L'Argentine, encore en pandémie, une autre vague. On a décidé de changer l'endroit. On s'en va au Brésil. Donc, puis le Brésil avait même manifesté le désir de peut-être pas participer à la Coupe non plus. Plein de problèmes, là, en Amérique du Sud. Et là, on veut vraiment tenir la Coupe. On dirait que les instances internationales, les grosses organisations... Est-ce que ça va se faire devant public, hein, à la Coupe américaine? Selon les pays, le nombre de... En Europe, on sait que c'est des pourcentages de personnes. Si le stade est un stade de 65 000, ben, comme hier, le match, je crois que c'était 20% ou 30%. Ça fait qu'il y avait peut-être un nombre de personnes dans le stade de 6-7 000. Il faut faire le ratio là-dessus. Mais en Amérique du Sud, je crois qu'il y a des pays qui peuvent le permettre. Mais au Brésil, je ne sais pas si c'est des stages. Je n'ai pas vérifié cette information-là. OK. Bon, Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence soccer en région. Merci beaucoup. On s'en parle bientôt. Yes. Salut, Danny. Merci. Voilà.